Était extraite. Et deux années plus tôt, en 1959, le saxophoniste Jimmy Giuffre enregistrait en compagnie du guitariste américain Herb Ellis. Accompagnateur d'Ella Fitzgerald, Herb Ellis fut aussi membre du Jazz at the Philharmonic, avec lequel il a parcouru le monde en compagnie de vedettes maison tels Louis Armstrong, Lionel Hampton ou encore Dizzy Gillespie. Remember, c'est un thème de Jimmy Giuffre. Thank you. Jazz à Fip avec Remember, ou la rencontre en 1959 du guitariste Herb Ellis et du saxophoniste Jimmy Dufray. L'album Herb Ellis meets Jimmy Dufray a été réédité dans la collection Vervelite édition, prononcée à la française. À la française, oui. Allez. On vous emmène du côté du jazz manouche à présent avec l'un de ses plus habiles représentants, malheureusement pas forcément reconnu à sa juste valeur, c'est le guitariste Patrick Sossois. Et oui, et on l'écoute tout de suite sur cette reprise d'un célèbre thème de George Gershwin, Embraceable You. Guitariste Patrick Sossois dans Jazz à Fip sur Embraceable You, une reprise de George Gershwin à retrouver sur l'album Alma Cinti, rythme gitan, paru chez Jazz Records. Ben merci Vincent. Et on peut rappeler que le guitariste sera en concert vendredi 29 août dans le cadre du festival Les Rendez-vous de l'Erdre, organisé en partenariat avec FIP Nantes, où vous pouvez d'ailleurs nous écouter sur 95.7 à Nantes. Et on reste au calme dans le jazz à FIP avec le contrebassiste Ray Brown, le pianiste Monty Alexander et Russell Malone à la guitare. Sideman recherché, il a joué avec Art Tatum, Bill Holiday ou encore Dizzy Gillespie. Ray Brown est décédé l'année dernière à l'âge de 75 ans. Cette Honeysuckle Rose que voici donc très précieuse puisqu'elle est extraite du dernier enregistrement du contrebassiste sorti chez Telarc. Thank you. Après cette Honeysuckle Rose cueillie par Ray Brown, Monty Alexander et Russell Malone, on enchaîne dans Jazz à Fip avec Eva Cassidy. Oui, la deuxième femme de la soirée. La deuxième femme de la soirée. Pas eu beaucoup ce soir, hein. Peu connue en France. Malheureusement, je n'ai pas chanté ce soir. Alors Eva Cassidy, peu connue, je le disais, en France, elle a pourtant ouvert la voie au début des années 90 à Diana Krall ou Norah Jones. Wayfaring stranger, while journeying through this world of woe, and there's no sin, there's storm, no danger in that bright land to which I go. I'm going there. I'm going there, no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I know dark clouds will gather. And beautiful fields lie just before me, and God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my Father. I'm going there, no more to roam. Eva Cassidy sur Wayfaring Stranger, un thème traditionnel américain à retrouver sur Songbird, une compilation sortie en France chez Coup Franc. Et c'est à vous de jouer maintenant, Vincent. Allez, Jazz à Fip touche à sa fin et nous allons nous quitter avec le chanteur et guitariste Albert King, que nous écoutons dans Crosscut Saw, une chanson enregistrée en juillet 72 dans les studios du célèbre label américain Stax à Memphis, Tennessee. Une session avec entre autres les Barclays ainsi que l'ensemble de corps du Memphis Symphony Orchestra, et qui figure sur l'album I Wanna Get Funky, réédité chez Stax avec 20 autres références de ce label mythique. Albert King dans Jazz à Fip. I'm a cross-cut soul. This drags me across the lawn. I cut you what you use for you. Can't help but say a dog. I got a double-bladed axe that really cuts good. I'm a cross-cut saw. Bury me in the wood. I'm a cross-cut saw. Just drag me across the lawn. I got you what's so easy for you. You can't help but say a dog. And Sam, some call me woodcutting Ben. The last girl I cut the wood for, she wants me back again. I'm a cross-cut saw. Just drag me across the lawn. I cut your wood so easy for you. You can't help but say a dog. Albert, c'est vraiment un king. Ah oui, vraiment, ça aurait été dommage de le couper. Ah oui, on est arrivé au bout du chemin, Jazz à Fibre s'est terminé. Il est même temps de prendre un autre itinéraire. Le programme de ce soir nous était proposé par Vincent Provigny, alors merci Vincent. Très bonne soirée à tous. Marlène, vous restez ? Oui, oui, bien sûr. Ah, ils ont la chance. Marlène Duret avec vous toute la soirée. Oui, et la réalisation est signée Laurent Polleret, au mixage Jean-Michel Després. Excellente soirée sur FIP, où vous nous écoutez à Bordeaux sur 96.7, il est 9h. Some tears I catch the light, with promises that might come true for a while. Un éventail à la main pour vous donner la température pour demain mardi. Eh bien, les journées se suivent et se ressemblent. Soleil et chaleur au programme avec même une légère hausse des températures. Seul le littoral de la Manche sera sous la grisaille le matin avant de voir percer les éclaircies. Quelques coups de tonnerre sont encore une fois à prévoir sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes du Sud. Quant aux températures, eh bien, elles restent caniculaires. 16 à 20 degrés dans le nord-ouest et le nord-est, 21 à 24 en général sur le reste du pays, voire 25 sur la Côte d'Azur, ça c'est pour le matin. L'après-midi, on attend 24 à 27 près de la Manche, 34 à 37 sur un tiers nord-ouest du pays et près de la Méditerranée, et ailleurs, 38 à 41 degrés. Prévoyez donc des glaçons au congèle, les ventilos à fond les ballons, les stocks d'eau, et pour la prochaine fois, vos draps dans le réfrigérateur que l'on sortira juste avant de se coucher. Un bon plan, le coup des draps. On aime un peu comme ce thème que nous écoutons extrait de La Bohème. Un album dans lequel Mathieu Chédid nous fait traverser 6 années de travail et de création musicale. Et comme on aime plutôt deux fois qu'une, on vous propose un doublé gagnant d'ici à quelques instants. Mais pour l'heure, allez, on grimpe sur le tapis volant de M. Sur un tapis volant, au volant velu d'un tapis volant. présent sur FIP, une formation berlinoise avec un album à la limite de l'inclassable. Entre l'électro et le jazz, c'est un peu mon cœur balance. Le groupe Miketon était en sélection FIP au mois de mai dernier avec l'album Easy Ease. Et le groupe est en phase de devenir une référence de la scène jazz allemande au même titre que des groupes comme Jazzanova. L'occasion donc d'en réécouter un extrait ce soir. Un album mi-jazz, mi-électro donc, où l'on trouve des chansons comme des instrumentaux. Pour l'heure, ce sera une chanson, Sit Beside Me, Miketon, s'il vous plaît. Hey. Cette petite île bretonne du sud du Morbihan devient cette année encore le carrefour des îles du monde du 27 au 31 août pour la troisième édition du film Insulaire. Ces îles porteuses de fantasmes, de rêves, de terreurs aussi, pour ceux qui les accostent, se dévoileront en images. Cette année, le rayon fouineur du phare de Penmen nous entraînera à destination de contrées fabuleuses, rêves d'or, d'épices, de flibustes et d'aventures épiques, bref, sur la route des Indes. Le festival a donc décidé de s'arrêter en escale à l'île Maurice et dans l'île de la Réunion, l'occasion de deux soirées spéciales, riches en images, en invités, en musique. 18 autres destinations seront proposées à travers 18 documentaires voguant sur les quatre océans, dont certains n'ont jamais été diffusés en France. FIP, partenaire du Festival international du film insulaire, vous propose de jouer pour gagner un séjour pour deux personnes au Festival de l'île de Groix du 27 août au 1er septembre. Votre voyage sera pris en charge, bien sûr, ainsi que l'hébergement à l'hôtel, sans oublier l'accès à toutes les projections et autres activités du festival. Allez, à vos claviers, fipradio.com. Vous avez jusqu'à dimanche pour jouer, dimanche, minuit. Faites le grand saut. funèbre, repartant repu. Sirène et sirois déchus, se léchant les doigts poliment, avec des sourires contenus. Mais dans la poche en partant, deux ou trois couverts d'argent. Il était monotone en été, monotone en été. Il était monotone en été, monotone en été. Il était monotone en été, monotone en été. Il était monotone en été, il était I keep my heart out. bientôt 10 ans moins le quart sur FIP. True to myself, le fils Marley, j'ai nommé Ziggy. Ce à quoi on répond True to FIP à Kingston, comme ailleurs dans le monde. Vous nous écoutez sur le net, fipradio.com. Hey, life has come a long way since yesterday. Thank you. La quatrième édition des Estivales, la ville de Pornic propose depuis le 11 juillet dernier une sélection de concerts et de spectacles de rue gratuits et en plein air. Le rendez-vous est fixé tous les mardis et vendredis soirs. Un festival pluridisciplinaire, tout public, mais les enfants peuvent aussi profiter des Estivales de Pornic, puisque tous les mardis en fin d'après-midi, ils ont rendez-vous avec le monde de l'imaginaire pour des histoires forcément extraordinaires, à travers des animations, du théâtre, des contes et des spectacles de marionnettes. Des spectacles gratuits, donc proposés aux 4-10 ans et qui ont lieu à chaque fois sur une plage différente. Demain, à 17h, plage du Port-Main, Bon Appétit, un spectacle qui transportera nos petits bouts dans l'univers des marmites et des saveurs. Et pour chauffer le jeune public, il y aura un chef qui nous chantera mots et merveilles, mots gourmands et gourmets. Du sable dans les oreilles, c'est le rendez-vous des bambins, inscrit dans le cadre des Estivales de Pornic, non loin de Nantes, où vous pouvez nous écouter sur 95.7. peut plus nous la faire. On en connaît un rayon. T'arraches les bouillères et tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui c'est le cri du papillon. Des oiseaux et des poissons. Puis toujours il opère dans toute imagination. Il t'arrache les bouillères et tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui c'est le cri du papillon. Pas de larmes, ça ne dérange pas les passants. Ce petit rien qui empire, je ne crois pas personne entend. Il t'arrache les bouillères, mais tu connais même pas son nom. Au croix de bois, croix de fer, oui c'est le cri du papillon. Il n'y a pas que les diamants qui sont éternels. Le blues traverse le temps sans une ride. Voici donc à pratiquement 10 heures sur FIP notre sélection. Blues, beat, session, la fusion de deux musiques. La rencontre des anciens du Nouveau Monde et de la jeunesse du vieux continent. La rencontre du blues et de l'électro. Blues, beat, session, sélection FIP. En voici d'ailleurs un extrait. Why? I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her. Daddy in the air, blow the whistle on the fireman, he rang the bell. Daddy in the air, blow the whistle on the fireman, he rang the bell.

since I'm living on the bottom of the bottle. Jacques Pellen, Sinéad O'Connor, Donna Looney, Lorena McKennitt, Kaper Kayi, Dan Arbraz, Alan Stivell, Afro Cell Sound System, ça sonne pas latin, non, pas vraiment. Enfin voilà un aperçu de ce qui vous attend jeudi prochain sur FIP pour la journée musicale celtique. L'Irlande, la Bretagne, l'Écosse, la Galice seront donc à la fête pendant toute cette journée. Et en fermant les yeux, vous pourriez bien vous retrouver propulsé sur une lande déserte, bercé par le son des cornemuses, dans un pub irlandais, chantant en chœur avec les chieftaines, pourquoi pas, ou perdu près d'un loch, avec comme seul point de repère le son d'un pipeau au lointain. Bref, la journée musicale celtique, c'est jeudi prochain sur FIP, et c'est pas du pipeau. dans deux minutes, il sera 10h20. Les cheveux dans les yeux,

Alan Kembeti, on aura reconnu Art Blackie sur FIP. Peut-être des envies de jazz en ce moment, ça tombe bien, il y a le festival de Ramatuelle. De 3 jours à ses débuts, le jazz festival de Ramatuelle s'est étendu à 6 jours. Il faut bien durer de plaisir, faire durer, toujours. 6 jours où alternent trio, quintette, sextette, de tous horizons. Début des festivités samedi 16 août avec au programme cette année Henri Texier, Kenny Werner, Jackie Terrasson ou encore Diane Reeves. Une artiste accomplie qui ne cesse de séduire public et critique. Les spectateurs de l'an dernier se souviennent sans doute d'une improvisation mémorable. Un love at first sight pour ainsi dire entre le public et la chanteuse. Elle revient donc cette année en compagnie de Peter Martin au piano, Ruben Rogers à la basse et Gregory Hutchinson aux baguettes. Concert de Diane Reeves au Jazz Festival de Ramatuelle ce samedi 16 août à 20h30 au Théâtre de Verdure de Ramatuelle. Un festival à vivre jusqu'au 22 août, c'est noté. Ainsi soit-elle, Diane Reeves que l'on retrouve maintenant sur FIP dans un extrait de l'album Little Moonlight, morceau choisi Reflections. As I'm reflecting back on my life, it's like a dream. Things are not quite what they seem. There's always something missing, something unseen, but dimly remembered. I think of paths I might have taken, lives I'd have changed, some living souls rearranged, and I'm amazed how tender feelings can be. In looking back, we just peep through the cracks between what's real and false. In this eternal waltz, meanwhile we just keep dancing. Now at the end of my reflection, I have to say, I would live life the same way, but that's the way that life goes. Thank God I'm a woman who knows. Real and false.

cow-boy, rencontre du troisième trans, enfin être frivole. En toute innocence, renverser l'auréole, inverser les tendances, faire couler les gondoles. Lire, jamais masqué, enfin lire, de regarder. Lire, de se pencher, enfin lire, partir casqué, sous les chats passants. Des journées dans le sable, avec vue sur coquillage, à compter les tatouages et lancer l'abordage. Lire, jamais masqué, enfin libre de regarder. Lire, de se pencher. Je m'étonne, je m'étonne, je m'étonne. Autoriser des versions silicone. En la matière, je t'attends. Lire, jamais masqué. Enfin libre de regarder. Lire, de se pencher. Enfin libre, partir casqué. Sous les charmes des garçons. Des garçons. Oh, Radio L à l'instant sur FIP avec Go to Sleep. Et avant d'aller se coucher, on rappellera que les squares, les petites places ou les parcs de Paris se transforment en salles de cinéma ou servent de décor cet été. Jusqu'au 24 août, Cinéma au clair de lune vous propose une programmation de films ayant Paris pour décor. Ce soir d'ailleurs, on pouvait voir Les maris, les femmes et les amants de Pascal Thomas au parc de Choisy. Restera le 13, peut-être, de Cédric Lapiche sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Un Américain à Paris, le 14, au Jardin du Trocadéro. Ou encore Jeanne et le garçon formidable, le 16 août, place Saint-Sulpice. Cinéma au clair de lune, un festival à vivre avec FIP. We'll be right back. Stop like green or red? Is the stoplight green or red? Maybe alive and he may be dead. Maybe alive and he may be dead. He don't care about his funky clothes. Clothes. He don't care if his navel shows. Shows. People stop, they turn around. Round. Is he wearing a smile or a frown? He's stoned. Talking, he don't talk loud. When he's talking, don't talk loud about it. Because he's living in a bright pink cloud. Cause he's living, living in a cloud. People laugh about his weight. He's been up for five whole days. People try to put him down. Is he wearing a smile or frown? Dead stone, dead stone, stone, ladies and gentlemen, very stone. He likes to take aspirin and mix it with Coca-Cola. He's a stone guy. He'll smoke a banana every now and then. He is never not stoned. You try that sometime. He's got a different color headband for every day of the week. He's the man. The stone man. But you know you live by the stone and you die by the stone. to make some violent love. Pour retrouver les fréquences de FIP, fipradio.com. We'll be right back. Zéro la boule. joué pour ça. J'essaye de brûler l'habit de pingouin, de laisser les McDos au chien loup du coin. Révolution, je t'ai bien eu dans la tête. J'suis mal et bien, bon pour la fête. Qui tienne quand c'est toi qui t'aimes. Appelle quand même quand j'ai un problème. Hey sister, hey brother, y'a rien qui est mal. J'allume plus tard mes jouets pop star. This was the way we harmonized. This was the way we harmonized. harmonized. That was the way we harmonized. It's time to start anew, 'cause I'm no longer part of you. It's clear to me, it's clear to you, it's what we have to do. Since we realized that neither of us is surprised, think of me when you sing in key, the way we harmonized. I went to school on Monday, made sure not to miss my education. Hey, now, love, love, love, don't play like you used to. Love, love, love, don't stay like you used to. This is the way we harmonize. This is the way we harmonize. I'm not sure when I strayed from you. Maybe he had too much fun then. And if it all was meant to be, you don't need to remember me. That was the way we harmonized. That was the way we harmonized. It's time to start anew, 'cause I'm no longer part of you. If it's clear to me, it's clear to you, it's what we have to do. Since we realized neither of us is surprised, think of me when you're singing key, the way we harmonize. Yo, yo, shorty had a little walk with us. Spread the word, I wanna have a little talk with her. I heard a few cats healed out and fought with her. Yo, sure, she knew my name, looking cute, acting off with her. Yo, Jay, double park the car outside. I ain't even take a step yet, and she's alkaline. I don't sweat it though. You know my style is medical, like click, clack, click, clack, like that. Shut the door. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That was the way we harmonized. That was the way we harmonized. Rappers, y'all talk too much. I'm Kingfish, and all their power get relinquished. I laugh at them, 'cause half of them don't speak English. Whether New York or the Marina, black or Latina, she gain wifey status if I bring her through Medina. Playing ring around the rosy, she want ring around a wedding finger. That's dead, Lord. You sing the song, I play chords. We had a thing, ma. Plus, I love the way we sang, ma. So now we got to go and change. Ah, that was the way we harmonized. That was the way we harmonized. Say that you're no good. Say your family's cursed with bad blood. But I think your cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Let them talk you down and call you names. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. Some say you're bitter, think you're mean, uncouth, untamed, and unrestrained. I think you're sensitive and sweet. Stay as you are, don't change a thing. Let them talk you down and call you names. Your mind's made up, it ain't gonna change. I'm sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. Some I'm on the street. Some low class kind of royalty. That's what they say about you when they're talking to me. Some say you're bad, a bad, bad seed. You love to play with fire, you love gambling. But I know what you love and I know what you need. And I like it when you play with me. Let them talk you down and call your names. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. FIP est diffusé partout en France sur le satellite, les réseaux câblés numériques et sur la FM à Paris, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire et Strasbourg. I'm toute la route de France. D'Europe. Celle que je préfère. C'est celle qui conduit. En auto ou en auto-stop. Vers le rivage du midi. National. 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une heure qui fait recette. Trop de vacances. Qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg, la Lance. Et la banlieue tient Paul de Vence. D'été, remplis mon cœur de lucidité. Chasse les écoles et les acidités qui font le malheur à la grande cité. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers semblent ma petite Lisette. L'amour et la joyeux qui fait risette. On est heureux National 7. On est heureux National 7. On est heureux National 7. On est heureux National 7.